Et vous, par contre, ça ne vous dit rien du tout de ne pas être en contact avec Dieu jusqu'à dimanche. De dimanche à dimanche. Quand vous venez dimanche, vous passez 2 heures, vous êtes pressé pour partir, vous partez, et puis jusqu'à dimanche prochain, il n'y a pas de communication. C'est pas normal. Si vraiment vous êtes amoureux de lui. Amen. Alléluia. Donc, mon devoir, c'est de vous rappeler que Dieu attend quelque chose de nous. Amen. Il n'est pas content d'une relation de semaine en semaine. C'est comme un bien-aimé qui a demandé la main, la fille a accepté, mais après avoir accepté, elle fait ce qu'elle veut. Quand il appelle, elle n'est pas là, elle est occupée. Elle dit, aujourd'hui c'est pas bon, demain peut-être, appelle-moi et on va voir. Et quand il appelle demain, elle décroche pas. Et quand il appelle encore, tu étais où? Pourquoi tu veux savoir? C'est personnel. Ça devient compliqué, la relation. N'est-ce pas? Comment est-ce que la relation va se développer? Même si vous êtes en observation. On s'observe. On s'étudie. Comment est-ce que vous pouvez vous connaître s'il n'y a pas de communication? Amen. Donc, la semaine passée, j'ai essayé de vous rappeler que la prière pour un chrétien, c'est important. Amen. Et j'espère que depuis la semaine passée, vous avez consacré un peu de votre temps précieux à Dieu. N'est-ce pas? Au moins 1 heure. Est-ce que 1 heure, c'est trop demandé? Ok. D'accord. Donc, je pense que j'ai un peu réussi, n'est-ce pas? De vous convaincre. On verra bien. Let's continue. Amen. What did I say? Daniel chapter 6, verse 1. Ok, nous allons lire tout le chapitre de Daniel, donc on va lire ensemble. Is that ok? Ok, comme ça, c'est pas seulement ma voix que vous allez entendre. Donc vous allez aussi parler. Alright? Donc vous allez lire, même si votre version est en chinois, vous allez lire à haute voix. Irene, tu n'as pas amené de Bible. Ok. Let's go. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nom desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur, et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume, mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle, et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius vit éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret afin qu'il soit irrévocable, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, Il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et trois fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et qui invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale, « N'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse au lion ?» Le roi répondit, « La chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. » Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, « Daniel, l'un de tes captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite, et il fait sa prière trois fois le jour. » Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ses hommes insistèrent auprès du roi, et lui dire, « Sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. » Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. » Amen. Hallelujah. What a powerful story. Amen. C'est une histoire que je crois que beaucoup connaissent. Mais peut-être vous ne connaissez pas toute l'histoire. N'est-ce pas? Vous avez entendu parler de Daniel dans la fosse au lion. On a chanté ça quand on était jeune. Voici l'histoire derrière. Daniel était le premier ministre. Mais au début, il n'était pas premier ministre. C'était un esclave, quelqu'un qui a été pris captif pendant une guerre, après une guerre. Mais il a surmonté cette limitation, si on peut le dire, d'être esclave dans un pays étranger. Et il a monté, il a été promu. Il a atteint les niveaux les plus hauts. Après le roi, c'était Daniel. Et ça provoque toujours la jalousie quand les gens se lèvent et ils sont promus, quand les gens sont reconnus. Amen. Les gens autour toujours éprouvent de la jalousie. Amen. C'est une émotion que nous tous, nous avons éprouvée un jour ou une autre. Amen. Mais ce que vous faites avec votre jalousie, c'est ça qui montre quelle sorte de personne tu es. Peut-être la jalousie va te provoquer à être meilleur, ou bien la jalousie va te provoquer à faire descendre la personne. Mais ils étaient des leaders aussi. C'était des gens importants dans le pays. Mais puisque Daniel était étranger, et aujourd'hui, il était leur chef, si on peut l'appeler ainsi. Il n'était pas content. Il cherchait un moyen de le faire renvoyer, de faire tomber de sa place haute. Amen. Et la Bible dit, ils ont beau chercher. Ils ont regardé, ils ont cherché, mais ils ne trouvaient aucune faute chez Daniel. Un esclave qu'il pouvait ressentir. Is there a word? To resent. To ressentir is to feel. To resent. To what's resent in English? In French? Hey, Resent, to resent. How do I explain to resent? To resent is somebody, si quelqu'un te fait quelque chose et tu n'es pas content et quand tu le vois, tu dis c'est à cause de lui, c'est à cause de lui que je suis. La rancune, garder la rancune, ok? Il aurait pu garder de la rancune. Je suis esclave, donc moi je ne fais pas. Je sais que j'ai un esprit supérieur, mais je ne veux pas utiliser mon esprit supérieur pour aider ces gens, parce que ce sont mes ennemis. Il aurait pu avoir une attitude comme ça, mais il a tout fait, il a persévéré, il a montré qu'il était capable. Il a été sélectionné, il a fait de son mieux là où il était placé. Et les gens autour étaient jaloux, ne trouvaient aucun moyen de le faire tomber. Sauf un. Ils ont dit, si on va attraper ce gars, il faut que ça soit lié à son Dieu. Parce que là, on sait qu'il ne va pas lâcher son Dieu. Hey! Donc, ils ont décidé de passer un décret. Et ils sont partis chez le roi. Le fait que tu sois roi ne veut pas dire que tu es sage. Ils ont dit, le roi Darius vit éternellement. Je suis sûr que quand ils ont dit ça, il s'est réajusté dans sa chaise. Vit éternellement. Oui. Yes. Voici mes citoyens. Ils reconnaissent que je suis le roi. C'est pas tout le monde qui te donne des compliments et qui te loue et qui te flatte et sincère. Il ne peut pas vivre éternellement et tu le sais. Donc pourquoi tu dis que vis éternellement? Et toi aussi tu sais que tu ne peux pas vivre éternellement. Pourquoi tu reçois un tel accolade? Compliment, merci. Tous les chefs du royaume et les intendants, ils ont décidé que tu établissent un décret qui dit que personne ne doit prier un autre homme ou un autre Dieu à part toi pendant 30 jours. Toi aussi, tu acceptes un tel décret. Parfois, ton orgueil va te faire chuter d'une manière terrible. Amen. Et ton orgueil va te faire des choses que tu ne comptais pas faire. Alléluia. Et ils ont convaincu le roi d'établir le décret. Et ils ont dit, établis-le et écris-le. Parce qu'ils savaient que lorsque c'est écrit, personne ne pouvait changer la loi. Si c'était un décret seulement, Daniel aurait pu, parce qu'il était le numéro 2. Il aurait pu dire au roi, non, ça je crois qu'il faut changer. Et le roi allait suivre. Il a dit, écris-le pour que ça soit établi. Lui aussi, puisqu'on a déclaré qu'il allait vivre éternellement, il a signé et il a établi sans réfléchir. Réfléchissez avant d'agir. Amen. Réfléchissez avant d'agir. Donc, la Bible dit que lorsque Daniel a su, le verset 10, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il savait qu'il ne pouvait plus, il ne pouvait rien faire. La Bible dit quoi? Il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes, dans la direction de Jérusalem, et trois fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Comme il le faisait auparavant. Daniel était un habitué de la prière. Le fait d'être premier ministre ne l'a pas empêché de prier. Le fait d'être quelqu'un d'important, qui a beaucoup de responsabilités, quelqu'un qui était très occupé à gérer un pays ou un royaume, ne l'a pas empêché de prier. Et toi, tu gères ta petite chambre de quatre murs, ta petite vie d'école, maison, église. Tu n'arrives pas à gérer le temps que tu as, au point où tu n'arrives pas à trouver même 30 minutes pour prier. La Bible dit que Daniel priait 3 fois par jour, comme il le faisait auparavant. Waouh! Comme il le faisait auparavant. Daniel était quelqu'un qui priait. Quand le problème est arrivé, il a continué de faire ce qu'il avait l'habitude de faire. Daniel n'était pas quelqu'un qui a attendu jusqu'à ce qu'un problème arrive avant de commencer à prier. Beaucoup d'entre nous, c'est lorsque nous avons des problèmes où on se souvient qu'il y a un Dieu. Quand les choses vont bien, oh, tu n'as pas le temps pour venir à l'église. Tu n'as pas le temps pour faire quoi que ce soit. Parce que les choses marchent. Les choses vont bien. Tout est rose. On n'a pas le temps pour Dieu lorsque des choses marchent. Toi-même, regarde ta vie. Est-ce que tu n'es pas plus proche de Dieu quand tu as des problèmes? Est-ce que ce n'est pas vrai? Quand tu as des soucis, le Western ne vient pas. C'est là où tu te souviens que... j'ai prié 2 heures. J'ai prié 3 heures. Beaucoup d'entre vous, vous avez participé à la jeûne et la prière parce que vous avez des problèmes. Yeah. Début de l'année, vous voulez que les frais scolaires soient payés. Vous voulez que les choses marchent pour l'année. Vous priez. Mais arrivé en juin, juillet, si on déclare 3 semaines de prière de jeûne, amen. Daniel n'était pas quelqu'un qui priait seulement lorsqu'il y avait des problèmes. C'était un habitué de prière. Amen. La vérité, c'est que si vous n'avez pas l'habitude de prier, quand les choses vont tourner mal, vous aurez du mal à prier. Vous allez prier 1 jour, 2 jours, et puis, fini. Car Dieu n'agit pas. Amen. Daniel était un habitué. La Bible dit quand le problème s'est soulevé, s'est levé, s'est présenté, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas fui, il a continué dans la prière. Il s'est tourné vers son Dieu. Il a continué de faire ce qu'il avait l'habitude de faire. Amen. Dieu n'est pas un fou. Dieu n'est pas fou. Et il sait, lorsque vous tournez vers lui, seulement dans les temps difficiles. Lorsque vous traitez Dieu comme un pneu de rechange, comme un parachute. Un parachute, tu ne te promènes pas avec un parachute tous les jours. Et tu n'ouvres pas, même si tu as un parachute, je peux voir ton sac. Est-ce qu'il y a un parachute dedans? Les parachutes se trouvent souvent dans des sacs à dos comme ça, n'est-ce pas, quand tu vois les films. Je sais que tu n'as jamais vu un parachute en vérité. Mais normalement, ce sont dans des sacs à dos comme ça. Mais il n'a pas de parachute dans son sac à dos. Mais s'il avait un parachute, il n'allait pas tirer le parachute pour venir de Circle à la Kodesh. La parachute, c'est seulement lorsque tu es en danger de mourir. Lorsque tu sautes d'un avion et tu veux bien atterrir, tu tires, n'est-ce pas? Tu peux sauter de l'avion, mais si tu n'as pas de parachute, il y a un problème. Sauf si tu es Superman. Ou Spiderman. Isn't it? Yeah. Et Dieu n'est pas une parachute. Chute. Parachute. Parachute. Que tu tires seulement lorsque tu sais que... something bad will happen to me if I don't pray. Amen. Il n'est pas fou. Amen. Parfois, c'est la raison pour laquelle parfois on n'a pas de réponse à nos prières. Parce que quand tu es en danger et tu pries Dieu, il regarde, il dit c'est qui? Hein, c'est parce qu'il a des problèmes, hein. Ok. On verra. Si on a le temps, on va répondre. Alléluia. May the Lord have mercy. Daniel était un habitué de la prière. C'était quelqu'un qui ne jouait pas avec son Dieu. Il savait que la relation qu'il avait avec Dieu était la plus importante. S'il n'a pas de relation avec Dieu, sa relation avec le roi n'allait pas tenir. Amen. Vous ne pouvez pas me dire que vous êtes trop occupé pour prier. Vous ne pouvez pas me dire que vous n'avez pas le temps pour prier. Daniel était le premier ministre. Je ne peux pas le dire assez. Quelqu'un qui était le numéro 2 au roi. Tout le monde sait que les rois ne travaillent pas. Le roi ne travaille pas. Il donne des ordres, mais il remplit. Il est plutôt cérémonial pour les cérémonies, isn't it? Le roi. En tout cas, le roi, la reine d'Angleterre, elle ne fait pas le travail de tous les jours. C'est le premier ministre qui fait. Elle se présente lorsqu'il y a une cérémonie, quelque chose de grandiose. Elle vient avec sa couronne, les perles, les bijoux, les joyaux. She comes. Elle dit, ouh, la reine, ouh, ouh. Mais elle ne peut pas faire quoi que ce soit. Et normalement, le premier ministre va présenter des décisions après avoir pris les décisions. Et il informe la reine juste par politesse. Mais si elle dit oui ou non, ça ne changerait rien. Donc le roi dépendait de Daniel. Et Daniel, la Bible dit, il avait un esprit supérieur. Donc c'était quelqu'un d'intelligent. Et lorsque tu es intelligent, on te donne beaucoup plus à faire. Parce qu'on sait que tu es capable. Amen. Lorsqu'on ne te donne rien à faire, peut-être il faut réfléchir. Amen. Parce que si tu es intelligent, on te donne une chose, deux choses, trois. Tu arrives à gérer. Tu sais comment. Isn't it? Vous savez comment manager. Yeah. Daniel avait un esprit supérieur. Donc ça veut dire qu'il était plus intelligent que le moyen, la personne moyenne. Yeah. Donc tu ne peux pas me dire que tu es plus occupé que Daniel. Même s'il n'y avait pas, Lady Pastor, il n'y avait pas d'internet. Il n'y avait pas de téléphone. Oui, donc imaginez, c'est plus difficile. Pour aller envoyer un décret, il faut envoyer un homme et son cheval pour partir. Mais les royaumes fonctionnaient, ça marchait. Le roi était en plein contrôle de son royaume parce qu'il était entouré des gens comme Daniel. Yeah. Tu ne peux pas me dire que tu es plus occupé que Daniel. Qu'est-ce que tu fais quand tu te lèves le matin? Même l'école que tu cries, école, école, cours, cours. C'est 3 fois par semaine. Et les 3 fois par semaine, c'est 2 heures par jour. Donc c'est à cause des 6 heures par semaine que tu ne peux pas prier. Tu ne peux pas me dire que tu es trop occupé. Tu ne peux pas me dire que tu es trop occupé. 6 heures de semaine de cours. Même quand tu es en examen. Donc quand tu dis que, oh, j'ai pas eu le temps. Tu n'as pas eu le temps. Mais tu as eu le temps de dormir 8 heures. Tu as eu le temps de manger. Et suivre un bon film. Chatter sur Facebook, WhatsApp, Instagram, Viber, which one? BBM. Toi seul, tu as si. You have social network, 6 different ones. Toi seul. Si je vous demande aujourd'hui combien de personnes ont tous les... tout, je suis sûre que la plupart d'entre vous... Et FaceTime, Skype, Viber, Twitter, Tango, Boxer, Skype, BBM, vous avez tout. All in one. Yeah, sur un téléphone, tu as tout. Quand tu as envie, tu envoies Tango. Quand tu n'as plus envie de Tango, tu envoies Viber. Quand tu n'as plus envie de Viber, tu voxes un peu. Quand tu ne veux plus voxer, tu WhatsApp. Quand tu n'as pas envie de répondre au WhatsApp, tu fais FaceTime, Facebook. Je suis pas surprise que tu me dis que tu es trop occupé. Tu es vraiment occupé à faire ce qui est important pour toi. Quand tu oublies ton téléphone, hey, tu descends du trottoir, même si tu as seulement 50 personnes qui restent. Ah, mais ce poulet-là, il veut quoi? Tu vas descendre du trottoir et tu vas repartir à la maison pour chercher ton portable. Ah, oh, j'ai oublié mon portable, je reviens. Ou même si tu es en retard, tu pars à l'école, tu trouves un moyen de retourner chercher le portable pour revenir à l'école. Le Western peut tomber à tout moment. C'est important pour toi. Donc tu vas tout faire pour aller récupérer le téléphone. Mais nous voilà, nous pouvons quitter la maison sans toucher la Bible. Et ne même pas penser à la Bible toute la journée. La prochaine fois que tu penses à la Bible, c'est mercredi parce qu'il y a culte. Où est-ce que j'ai mis ma Bible? Tu as vu ma Bible? Tu as vu ma Bible? Si tu dois demander, tu as vu ma Bible, il y a un problème. Il y a un problème. Alléluia. Tu ne peux pas me dire que tu es trop occupé. Même si tu pars à l'école tous les jours. Amen. Tu trouves le temps pour faire ce qui est important pour toi. Cette année 2014, c'est l'année de prière. Et tu vas finir par comprendre l'importance de la prière. Et si tu ne pries pas, c'est parce que tu ne veux pas prier. Et si tu ne veux pas prier, ne dépends pas de Dieu pour agir dans ta vie. Amen. Parce que Dieu a besoin de la prière des saints pour déclencher son action ou sa main. Il ne va pas agir si nous ne demandons pas. Il sait de quoi tu as besoin, mais tu n'as pas demandé. Et si tu as dit, oh, Lady Pastor, j'ai prié. Tu as prié pendant combien de temps? Puis ta prière, c'était quel genre de prière? Oh Seigneur, tu sais que j'ai besoin de... Et tu pries en textant, en WhatsAppant, en voxant, en vibrant, en tangoant, tangotant. Yeah. Le temps qu'on consacre à Dieu, c'est vraiment limité. Pas parce que nous sommes trop occupés. C'est parce que nous ne voulons pas. Oh, Lady Pastor, si tu dis ça comme ça, ça fait bizarre. Mais tu es bizarre. Tu es bizarre. Tu dis que tu es chrétien. Tu dis que tu aimes Dieu. Tu dis que Dieu, Jésus est ton sauveur. Tu dis que tu crois qu'il est mort pour toi. Tu dis que il est tout pour toi. What are your songs? Quand vous chantez, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Et lorsque tu chantes, tu es en train de penser à quelqu'un d'autre. Dieu n'est pas tout pour toi. S'il était tout pour toi, tu allais trouver un peu de temps dans ta journée pour lui. Amen. Et la vie est comme elle est parce que tu ne trouves pas le temps pour Dieu. Et Daniel ne se cachait pas pour prier. Il continuait parce qu'il ne savait pas autre chose. Il ne savait pas faire autrement. Son habitude était d'aller prier. C'est le genre de personne, s'il ne pouvait pas prier, il allait être gêné. C'est quand tu n'es pas habitué à faire quelque chose, par exemple, tu n'es pas habitué aux gens qui boivent et de l'alcool fort, de boissons fortes, et puis qui fument et qui utilisent des gros mots. Donc, un jour, tu trouves que tu es dans la compagnie de ce genre de personnes. Peut-être c'est une sortie familiale ou un endroit ou au travail. Et tu arrives dans un milieu où il y a des gens qui quand ils parlent, ils utilisent des gros mots, ils boivent l'alcool, ils fument, ils sont... Est-ce que vous savez cette sensation que vous avez? Vous n'avez plus cette... Vous êtes un peu gêné. Et à chaque fois, même quand tu suis certains films, beaucoup d'entre nous, on ne voit rien de... Oh, c'est un film, c'est un film. Oh, bon, c'est un film, c'est un film. C'est du cinéma, oh, mais faut pas exagérer. Oh, mais quand même. Vous n'êtes pas gêné. Vous n'êtes pas du tout gêné. C'est normal pour toi. Il y a un problème. Il y a un problème. Il faut que le film te gêne. Hier, j'étais en train de regarder la télé. J'avais suivi un match de foot très, très, très, très, très, très, très, très bon. Et j'étais en bonne humeur, en bonne humeur. Donc, je changeais de chaîne. Je changeais de chaîne. Et puis, j'ai vu Shakira. Vous connaissez Shakira? Yes, vous connaissez. Elle, la dame a dit, ah, voici la première fois sur la télé, le nouveau clip de Shakira. Première, du jamais vu, c'est pas, la première fois, première, how do you say, the first, whatever, anyway, first time, anyway. Shakira est guest, artiste spécial, c'était Rihanna. Donc je me suis dit, quelle combinaison bizarre. J'étais curieuse. Dès qu'elles ont commencé à chanter, c'est pas bon. Hey! Moi, en tant que femme, j'ai changé de chaîne. J'étais gênée de ce que j'ai vu. J'ai dit, mais ça c'est quoi? C'est pas une danse? C'est pas une danse? Ça c'est... J'ai changé la chaîne, je ne voulais même... Je ne me souviens même pas de la musique, si c'était bon ou pas bon. C'était bizarre. Un comportement de singe. I don't know. J'étais attristée en fait. Je me suis dit, voilà pourquoi les femmes ne sont pas considérées. Une bizarrerie, vous dites que c'est vous êtes des artistes. Si vous êtes des artistes, moi aussi je suis star. C'est singe. Fallait grimper sur un arbre, je crois que ça serait plus intéressant. Mais beaucoup d'entre nous, on allait suivre, on dit, wow, j'ai vu le nouveau clip de Rihanna. Wow, mais elle est forte, hein, et elle est bien, hein, et elle chante, hein, elle chante. Hein. Tu n'es pas gêné par le tout qui entoure. Le langage dans les chants, tu n'es pas gêné. Tu dis, oh, Lady Pastor, c'est le rythme que moi je suis. Et non, c'est pas le rythme, c'est la voix, la voix. Je veux juste m'entraîner, tu sais. Et elle a une manière de travailler les gammes. Et tu n'es pas du tout gêné par le langage, les chants, les danses. Quand les danses africaines, les clips de la musique africaine, et les filles qui sont là en train de vibrer, Tu dis, ah, c'est dans la tradition, ah, c'est bien, c'est bien. Look at you. Look at you. Tu n'es pas gêné. Parfois aussi, vous venez devant, parfois, j'ai envie d'acheter un pistolet à eau. Vous connaissez pistolet à eau? Un jour, je vais acheter. And when you come to the front, I will fire you. Vous n'êtes pas gêné. C'est normal. C'est normal. You quand même misbehave in France. Parce qu'on dit, dans la présence du Seigneur, il y a la liberté. Il y a la liberté. Un jour, les anges vont descendre te prendre comme ça. Mais ok, ça suffit, ça suffit, ça suffit. C'est trop maintenant. Vous pouvez danser, danser bien sans gêner les autres. Il y a des gens qui ont quitté l'église à cause de vos danses là. Amen. Daniel était tellement habitué à la prière qu'il est, il ne pouvait pas même considérer une journée sans la prière. Ils ont déclaré seulement 30 jours. Pour préserver sa vie, il aurait pu quand même se retenir pendant 30 jours, n'est-ce pas? Toi aussi, on te dit, si tu pries, on va te mettre dans la fosse aux lions. Juste, il dit même la fosse des moustiques qui n'arrive pas. Yeah, 30 jours seulement, tu allais dire, oh, 30 jours, je vais trouver un moyen de prier. Et puis, je vais trouver un moyen. Je vais prier en secret. Dans le cœur. Je vais prier dans le cœur. 30 jours, c'est pas long. Daniel, il ne voulait même pas considérer changer la manière dont il prie, le temps, la durée de la prière. Amen. C'était même pas une chose qu'on devait négocier ou considérer. Tu dois être quelqu'un qui peut dire, moi, quand je suis là, tu ne peux pas venir dans ma chambre avec une cigarette. Tu ne peux pas venir dans ma chambre avec une bouteille de whisky, vodka, bière. Tu ne peux pas venir dans ma chambre faire n'importe quoi. Tu ne peux pas. Mais te voilà, tu es là, tu dis, ah, Lady Pastor, moi je ne pouvais pas dire oh parce que on partage la maison ensemble et quand je n'ai pas d'argent, parfois c'est lui qui paye. Et quand j'ai de l'argent, on cède comme ça, donc je ne peux pas m'imposer. Je ne peux pas m'imposer. Tu assumes. Lui, il n'assume pas. Tu ne peux pas te lever pour prier en langue parce qu'il est là. On ne dit pas ça, c'est parce qu'on partage. Mais lui, il peut amener sa petite amie dans la chambre. Coucher avec elle correctement. Et puis partir. Et toi, tu viens. Après. Et tu te demandes pourquoi tu as des cauchemars. C'est parce que tu as accepté beaucoup de choses. Tu fais beaucoup de compromis. Daniel, ça ne lui est même pas venu à l'esprit de faire un petit compromis. Ok, je vais me cacher pour prier une fois par jour. La Bible dit, il priait, what does it say? Il se retira dans sa maison où les fenêtres de la maison de la chambre supérieure étaient ouvertes. Il n'a pas pris le temps de fermer les fenêtres et de cacher sous le lit pour prier. Il a fait exactement ce qu'il faisait. Ouverte dans la direction de Jérusalem. Et trois fois le jour, il se mettait à genoux. Ça veut dire que quand il priait, il se levait, il rentrait au bureau, continuait son travail. À la même heure, il se levait, retirait dans sa chambre, se mettait à genoux pour prier. Trois fois. Et les gens qui travaillaient avec lui savaient ce qu'il faisait. Parce que c'est quelque chose qu'il faisait tous les jours. Il a laissé la porte ouverte, la fenêtre ouverte. comme il le faisait auparavant. Si ma prière te gêne, c'est toi qui dois te déplacer. Parce que moi, mon habitude, c'est de prier. Si tu vas louer la chambre avec moi, il faut savoir que moi, je me lève à 4 heures pour prier. Oh. Si tu veux toujours venir, ok. Mais ça ne va pas changer. Moi, je n'accepte pas qu'on fume dans ma chambre. Si tu peux accepter ça, il n'y a pas de problème. Moi, je n'accepte pas que tu amènes une fille chez moi. Parce que moi, je ne fais pas ça. Moi, je ne fais pas, donc je n'accepterai pas que tu viennes te mettre sur mon lit, le lit que moi, je vais dormir. Où moi, je vais dormir. Non, je ne peux pas accepter. Tu ne peux pas accepter. Tu vas laisser des esprits méchants dans ma chambre. On lui dit parce que j'étais pas là, mais je crois que quand il est venu, tu dois le confronter. Hey, my friend, what did you come and do in my room? On my bed. Hey. On lui dit parce que bon, il a changé les draps. Hey! You stay in the bed too. Trop de compromis dans notre vie. En tant que chrétien, trop de compromis. Trop de compromis. Trop de compromis. Yeah. Et si tu n'es pas habitué à le faire maintenant, à t'établir et à prendre des bonnes habitudes maintenant, quand tu seras vraiment occupé, parce que là, je vous jure que vous n'êtes pas occupé. I'm telling you, you are not busy. I'm telling you, you are not busy. Si tu penses que tu es busy maintenant, quand tu vas te marier, et ton mari va exiger des exigences, et les enfants vont venir, je t'assure que tu auras toujours les mêmes 24 heures. On ne va pas ajouter quelques heures pour toi parce que tu es maintenant femme au foyer et mère d'enfant. Comment est-ce que tu vas gérer si aujourd'hui tu es occupé? Trop occupé pour prier une heure. Quand tu seras marié, tu seras encore plus occupé. Quand les bébés vont venir. Raïssa, tu es où? C'est vrai ou pas vrai? C'est trop vrai. C'est trop vrai. Avant, tu croyais que tu étais occupé avec les études, n'est-ce pas? Maintenant, tu as vu, hein? tu n'étais pas occupé. You were not busy at all. Même les pères. Tu vois que là, tu n'étais pas occupé. C'est maintenant que tu es occupé. Tu feel it, hein? Tu feel it. Et ajoutez maintenant à ce que tu fais un travail où ton chef est exigeant. C'est là où tu vas sentir busy là, c'est ça, hein? Oui. Donc si tu n'as pas l'habitude de prier maintenant que tu es étudiant en train de gérer ta petite vie, mon frère, tu as des gros problèmes qui t'attendent à l'avenir. Des sérieux problèmes. Des problèmes graves. Gravissimes. Yeah. Tu ne peux pas me dire que tu es trop occupé. Parce que cette prière, si tu ne sais pas, je vais te dire, c'est cette prière qui va te donner la force de pouvoir tenir et persévérer. C'est cette prière qui va tisser les liens avec Dieu, le Dieu de tout l'univers, qui va te fortifier. Le verset qui dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Il ne te fortifie pas dans l'air comme ça. Tu es fortifié parce que tu as une relation maintenant avec lui. Tu peux compter sur lui. Et ça va venir comment? Par la prière. Tu me dis que tu es tout busy. J'ai peur pour toi. Hein? J'ai peur pour toi. Tu es busy. Tu trouves que tu es busy. Oui ou non? Tu es trop busy. Instrumentiste. Tu es trop busy. Mais si tu aimes quelque chose, tu vas trouver le temps pour le faire. Si tu aimes quelque chose, par exemple, tu es busy, mais tu fais toujours partie de méga team. Tu vas jouer au foot. Quand il y a un petit message sur Facebook, on se réunit à 13h, à 11h, au parc de Venez Nombreux. Tu regardes et tu ajustes ton emploi de temps et tu dis, ah, il faut que j'y aille. La méga team. Tu as le temps pour ça. J'étais surpris quand les instrumentistes ont demandé un jour de plus pour répéter. J'ai dit, fantastique. Nous voici en train d'essayer de trouver comment on peut réduire le temps de répétition. Tu sais, ils ont demandé un jour de plus. Je dis, fantastique. God bless you. Yeah. Mais je vous annonce que la prière est beaucoup plus importante que votre répétition. Amen. Si vous priez plus et vous répétez moins, vous allez voir que vous allez mieux jouer. C'est la même chose pour praise and worship, pour la chorale, pour tout ce que vous faites. Tout. Si vous impliquez plus dans la prière, vous aurez besoin de moins de temps de répétition. Amen. Are you listening to me? Yes. Tu n'es pas trop occupé. Dis à ton voisin, frère, arrête de dire que tu es occupé. Arrête de dire que tu es occupé. Tu ne peux pas être trop occupé. Tu ne peux pas être plus occupé que Daniel. Dis à ton voisin, tu ne peux pas être plus occupé que Daniel. Tu ne peux pas être plus occupé que Daniel. Junior. Tu ne peux pas. N'est-ce pas? Donc, prie. Amen. Prie. Ça doit être une habitude. Ça doit être une habitude. Quand tu seras dans les problèmes, parce que les problèmes viendront. Tu seras déjà habitué à la prière. Ça ne sera pas difficile pour toi de te mettre de nouveau à genoux pour crier vers ton Dieu et dire, Seigneur, me voici encore. Cette fois-ci, il faut agir. Cette fois-ci, il y a un problème. N'attendez pas que vous ayez des problèmes pour courir devant le trône de Dieu. N'attendez pas le jour de l'examen et dire, oh Seigneur, tu sais que je n'ai pas appris. Mais tu vas intervenir. Je crois en toi. J'ai la foi. Dieu, créateur de l'univers, fais de sorte que tout revienne dans mon esprit. Fais de sorte que le prof, quand il va corriger, il ne va pas voir mes erreurs. Rends aveugle le maître. Rends aveugle le maître. Que ma papa. Que mon examen trouve faveur, Seigneur. Faveur. Non. It won't work. Tell your neighbor, it won't work. Donc, ta prière là ne va pas marcher. Amen. Amen. La prière doit être une habitude. Amen. Daniel était le premier ministre. Mais il trouvait le temps pour prier. Alléluia. Donc nous aussi, en tant qu'étudiants, en tant que femmes au foyer, en tant que travailleurs, tout ce que tu peux être dans cette vie, tu n'es pas trop occupé pour prier. Alléluia. Et je prie le Seigneur que nous tous, nous aurons ce désir. Pas seulement de prier pour que ça devienne une habitude, mais prier parce que nous aimons le Dieu que nous prions. Et nous voulons avoir une relation qui compte pour quelque chose. Amen. Nous voulons être en contact avec lui. Celui que nous aimons. Amen. Levez-vous. On va continuer après. Alléluia. Amen. Alléluia. Pray. And thank God. Commencez à remercier Dieu pour sa parole. Commencez à remercier Dieu pour le privilège de le connaître, le privilège d'être connu par lui, d'être appelé par lui. Merci Seigneur que nous pouvons venir devant toi tel que nous sommes, Seigneur. Tu n'attends pas grand chose de nous, seulement une relation sincère. Seigneur, fais de nous des bons chrétiens. Tu cherches ceux qui vont t'adorer en esprit et en vérité. Que nous puissions faire partie de ceux qui t'adorent, qui t'adorent en esprit et en vérité. Merci Seigneur. Merci pour cette grâce. Merci pour ta parole. Merci pour ton Saint-Esprit qui nous fait comprendre ta parole. Seigneur, nous sommes humiliés par ta parole ce matin. Et nous savons, Seigneur, que tu veux nous promouvoir, tu veux nous élever. Voilà pourquoi tu nous enseignes ces choses. Nous voulons être des hommes et des femmes de prière, Seigneur. Des gens qui ont des relations sincères avec toi. Merci, Seigneur, pour l'amour que tu nous donnes pour ta parole, l'amour que tu nous donnes pour toi-même, pour ta personne. Seigneur, merci pour ton amour envers nous. Nous te bénissons, nous te remercions. Nous te rendons toute la grâce, Seigneur, au nom de Jésus. Je veux toujours prier pour toi, mon frère, ma sœur. Si tu es là, tu ne connais pas Jésus-Christ comme sauveur, tu n'as pas de relation personnelle avec Dieu. Tu ne l'as jamais invité dans ton cœur. Aujourd'hui, tu veux dire, Lady Pastor, prie pour moi. Je veux cette relation dont tu parles. Je veux avoir une relation personnelle avec Dieu, le Dieu de tout l'univers, le Dieu, le créateur du monde. Je veux être capable de dire que je le connais et il me connaît. Quand je prie, je veux qu'il sache que c'est moi. Seigneur, je veux marcher avec toi. Si tu veux faire cette prière, lève la main. Je vais prier pour toi. Tu sais que tu es pécheur. Tu ne sais même pas si tu meurs aujourd'hui, tu iras au ciel ou à l'enfer. Aujourd'hui, tu veux savoir. Tu veux être sûr. Tu ne veux pas mourir et ne pas aller au ciel. Mon frère, tu dois inviter Jésus dans ton cœur. Tu ne peux pas aller parce que ta famille est chrétienne. Tu ne peux pas aller parce que tu viens à l'église de temps en temps. Tu dois avoir une relation personnelle avec lui. La Bible dit que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Aujourd'hui, tu sais que tu n'es pas né de nouveau. Tu ne sais même pas de quoi il s'agit. Mon frère, lève la main, je veux prier pour toi. Je veux prier pour que le Saint-Esprit vienne dans ta vie. Merci, je vois les mains. Tu n'as jamais pris cette décision. Aujourd'hui, tu veux dire devant cette assemblée, Lady Pastor, prie pour moi, je veux connaître ce Jésus. Je veux avoir une relation personnelle avec lui. Merci, je vois les mains levées derrière. Si tu as levé la main, viens devant, je veux prier pour toi. Viens, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur, ne doutez pas de ce que tu fais. Viens seulement, viens. Viens. J'ai vu une autre main derrière, viens. Venez, venez devant, je vais prier pour vous. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci. Nous allons prier. Alléluia. Je vais demander à l'assemblée de participer à la prière. Ceux qui sont devant, faites de cette prière votre prière personnelle. Amen. Dieu va changer votre vie. Alléluia. Par cette prière, vous allez ouvrir des portes. Amen. Que tout le monde ferme les yeux et prions. Disons ensemble, Seigneur Jésus, je te remercie de m'avoir parlé aujourd'hui. Ce matin, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que je suis loin de toi. Seigneur Jésus, je t'invite dans mon cœur. Viens régner dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, je veux te suivre et je veux te servir. Pardonne mes péchés. Lave-moi de toutes mes erreurs. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, je t'appartiens. Seigneur Jésus, fais de moi une nouvelle créature. Seigneur Jésus, pardonne-moi, lave-moi et purifie-moi par ton sang. Satan, écoute-moi très bien. Je ne t'appartiens plus. Je ne te suivrai plus. À partir d'aujourd'hui, j'appartiens à Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, je suis lavé par le sang de Jésus. Je suis enfant de Dieu. Seigneur Jésus, merci de m'avoir accepté tel que je suis. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, je t'appartiens. Je te suivrai et je te servirai pour le reste de mes jours. Merci de m'avoir accepté. Merci pour ton amour. Merci pour ton sacrifice à la croix. Merci pour ton salut. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Félicitations. Vous avez pris une très bonne décision. Et pour vous aider à mieux comprendre ce que vous avez fait, il y a un jeune frère qui est juste derrière vous. Il aimerait vous parler. Suivez-le. Il va vous dire un mot et après vous allez gagner vos places. Merci beaucoup.